Chapitre 206. Le mérite de la prière de la matinée, Duha, le nombre de ses raka'a et l'incitation à l'accomplir assidûment. 1139. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte. Mon ami intime, le prophète, alayhi salatu wassalam, m'a recommandé trois choses. Jeûner trois jours par mois, accomplir une prière de deux unités dans la matinée, Duha, et ne pas dormir sans avoir accompli la prière du witr. Al-Bukhari et Muslim. Accomplir le witr avant de dormir n'est recommandé que pour celui qui craint de ne pas se réveiller à la fin de la nuit. Pour celui qui pense pouvoir se lever, il est préférable de le réserver à la fin de la nuit. 1140. D'après Abu Dhar, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: chaque os et articulation de votre corps est redevable chaque matin d'une aumône. Chaque tasbih, dire gloire à Allah, subhanallah, est une aumône. Chaque tahmid, dire louange à Allah, alhamdulillah, est une aumône. Chaque tahlil, dire il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, la ilaha illallah, est une aumône. Chaque takbir, dire Allah est le plus grand, Allahu Akbar, est une aumône. Ordonner le bien est une aumône. Interdire le mal est une aumône. Et il vous suffit à la place de tout cela d'accomplir une prière de deux raka'a dans la matinée. Doha. Muslim. 1141. Selon Aisha, radiallahu anha, la prière de la matinée, Doha, du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, comportait en général quatre unités, raka'at. Mais il pouvait en ajouter selon la volonté d'Allah. Muslim. 1142. Umhani, Fakhita bint Abi Talib, radiallahu anha, relate. Je me suis rendu auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le jour de la conquête de la Mecque, et je l'ai trouvé en train de se laver. Quand il eut terminé, il accomplit huit unités de prière, raka'at, et ceci dans la matinée, Doha. Al-Bukhari et Muslim. 1143.